Chapitre 22e. Dès qu'elle fut seule, Miss Martinthorpe gravit rapidement les marches qui menaient à son appartement et passa sans retard l'inspection des fameux cabinets. Elle les ouvrit successivement, mais en vain, n'y trouvant, outre quelques lettres, que des bagatelles sans valeur. Cependant, les paroles de Marguerite Brandenberry donnaient à réfléchir, et tout faisait supposer à l'héritière que ses diamants lui avaient été soustraits. Quand tout à coup elle sentit comme un ressort se détendre sous ses doigts. Tous ses efforts se réunirent sur ce point, il céda bientôt à sa pression, une planchette glissa dans une coulisse, et Miss Sophie demeura éblouie de l'éclat lumineux de ses chères idoles. Quoiqu'elle eût parfaitement fermé les portes de son appartement, elle n'en courut pas moins s'en assurer de nouveau, dans la crainte que d'autres qu'elle ne puissent jouir de la vue de ses trésors. Oui, il y avait là des diamants. Des diamants d'une beauté surprenante et qui jetaient un éclat merveilleux. Si Sophie avait été une femme plus expansive, elle les eût certainement embrassés avec frénésie, mais dans sa froideur invincible, elle se contenta de les retirer délicatement de leur nid de coton et de les contempler lentement, tout en les pesant dans le creux de sa main. Jamais elle n'avait été aussi heureuse qu'en ce moment. Elle pressait, comme pour les dérober au regard jaloux, les diamants contre sa poitrine et sur son petit cœur égoïste, et peu à peu, elle finit par tomber dans une sorte d'extase presque folle et se prit à les regarder encore avec passion. Cependant, elle avait une trop grande force de volonté pour ne pas vaincre bientôt son émotion. Aussi parvint-elle à sonner sa femme de chambre pour l'habiller, et quand elle rejoignit ses invités, son visage avait repris son expression habituelle. Son tuteur lui ayant demandé pendant le dîner d'où venait qu'elle ne mangeait plus, elle, qui avait autrefois très bon appétit, elle répondit assez poliment et sans se troubler, « C'est que j'ai goûté un peu tard et cela dérange pour le dîner. » Miss Martinthorpe avait pris l'habitude de se retirer dans son appartement aussitôt qu'on était sorti de table, d'y prendre seule son café et de ne plus reparaître de la soirée. Mais ce jour-là, elle n'agit pas de la même façon. Après avoir dégusté avec ivresse un excellent mocha, elle se rendit au salon de l'Est, où elle trouva la famille réunie et toute confondue de l'avoir entrée contre son usage. En apercevant sa cousine, Florence sortit avec les deux enfants et les conduisit chez Mrs. Barnes. Rien ne pouvait mieux convenir à l'héritière que la désertion de ces trois êtres qu'elle détestait, car elle venait précisément au salon dans le but d'annoncer son intention d'assister au bal de Hereford et d'insinuer adroitement que, vu sa grande jeunesse, Florence devait s'abstenir d'y aller. Mais le major et sa femme ne pensaient pas ainsi. Cette dernière déclara, avec une certaine fermeté, que si cela amusait Florence, on l'y conduirait, et que dans le cas où quelqu'un s'y opposerait, elle refuserait elle-même d'y accompagner Miss Martinthorpe. Sophie, comprenant que cette décision serait irrévocable, n'insista pas davantage et prit le parti d'accepter ce qu'elle ne pouvait pas empêcher. Nous laisserons Mrs. Heathcote et sa charmante fille se consulter sur leur toilette, et nous suivrons Mr. et Miss Brandenberry dans le boudoir sacré de leur amie. Sophie les attendait avec impatience. D'abord, elle tenait à leur faire oublier ce qu'il y avait eu de brusque et d'incivil dans sa manière d'être de la veille. Puis, quoique l'idée d'épouser un homme ruiné, sans titre, sans manoir et sans aïeux, ne lui fût jamais venue, elle n'en voulait pas moins le retenir auprès d'elle, afin d'en faire une espèce de cavalier servant jusqu'à nouvel ordre. Aussi, eut-elle soin de le gratifier de sourires et d'œillades provocantes auxquelles il sut répondre de la même façon. Puis, espérant ainsi avoir fait oublier sa brusquerie charmante de la veille, elle se hasarda à dire « Vous rappelez-vous, chère Miss Brandenberry, qu'en vous reconduisant hier, je reprochais à mes diamants d'être montés à l'ancienne mode. Richard et moi n'oublions jamais un mot de ce que vous avez daigné nous dire. Eh bien, si vous vous rappelez mon exaspération contre mes riches joyaux, vous allez me trouver bien capricieuse quand vous saurez que maintenant, je désire les mettre tous pour ce bal. Que je suis aise de votre nouvelle décision, chère Miss Martinthorpe, et comment comptez-vous porter ces diamants merveilleux? Si je ne craignais pas de déplaire à Mr. Brandenberry en le laissant seul ici, je vous prierais de m'accompagner dans ma chambre. Nous chercherions ensemble un moyen d'employer dans ma coiffure quelques épingles assez jolies. Lui déplaire à lui? Oh, chère amie! Il aura assez à penser sur tout ce que vous lui avez dit aujourd'hui. Le cher enfant vous admire tant. » Et là-dessus, les deux amis entrèrent dans la pièce voisine. Sophie ouvrit le tiroir qui renfermait ses richesses et étala devant son ami une masse de diamants magnifiques montés en broches, d'autres en bracelets, en boucles d'oreilles, en épingles et en boutons. « Quelle merveille !» s'écria Miss Brandenberry. « Que vous serez belle avec tout cela, car vous les porterez tous, n'est-ce pas, dans vos cheveux et sur vous ?»« Si je me décide à en mettre quelques-uns, je puis bien les porter tous, » reprit Sophie avec une apparente indifférence. « Laissez-moi vous les essayer, je vous en supplie. Je vois si bien comment ils devraient être placés. Asseyez-vous, je vais vous parer. »« Comme vous voudrez, cher ami. Seulement je crains que votre frère ne soit fâché de mon impolitesse. » « Vous, impoli, vous dont il vante toujours les manières distinguées, la grâce et la tenue. Mon pauvre frère, il devient fou en vous voyant, et quand il parle de vous, c'est alors qu'il s'exalte, s'enflamme et... Il me faudrait un velours noir pour retenir vos boutons. » Continua Marguerite avec plus de calme, et sans attendre de réponse, elle se mit à retourner tous les tiroirs si minutieusement rangés par Sophie, jusqu'à ce qu'elle eût trouvé ce qu'elle désirait. Elle échafaude alors sur la petite tête de l'héritière autant de broches, d'épingles, de boutons et de bandeaux qu'il en put tenir. Mais hélas, en arrivant aux boucles d'oreilles, la tendre Marguerite s'aperçut que les oreilles épaisses et noires de Sophie n'étaient pas percées. Heureusement, Miss Brandenberry était très ingénieuse. Elle prit aussitôt une aiguille et du fil pour coudre les brillants après le velours qui entourait la tête de son amie et les faire pendre le plus près possible de l'oreille. Quand la coiffure fut terminée, Marguerite entr'ouvrit le peignoir de l'héritière, posa le collier sur son cou, les bracelets à ses bras et la broche à son corsage. « Il faut que Richard vous voie !» s'écria alors la droite habilleuse. « Ce serait cruel de le lui refuser. Vous êtes si belle ainsi !» Et tout en disant cela, Marguerite ouvrit la porte de communication et s'écria « Venez, Richard, venez, et dites franchement ce que vous pensez de notre belle amie Miss Martinthorpe. » « Ce que j'en pense ?» « Ah, Marguerite, pourquoi m'avoir appelé ? Pauvre garçon, quelle émotion ! Mais Richard, ne tournez pas la tête ainsi ! Si vous ne regardez pas Miss Martinthorpe, elle sera dans son droit en supposant que vous la trouvez laide. »« Ah, Marguerite, vous êtes sans pitié !» s'écria le jeune homme en s'appuyant contre la fenêtre. Puis, reprenant quelque force, il revint vers Sophie, que cette scène flattait infiniment, et lui dit « Croyez, Miss Martinthorpe, que je rougis de ma faiblesse. Mais soyez persuadé aussi que lorsque toute la société de Hereford vous verra, telle que vous venez de m'apparaître, elle appréciera du premier regard quelle adorable personne Mr. Thorpe lui a donnée pour voisine. » Après ce discours prononcé d'une voix émue, le frère et la sœur quittèrent leur amie, qui, dès qu'elle fut seule, ôta et resserra ses diamants dans leur nid de coton. Elle sourit avec satisfaction au souvenir de l'admiration qu'elle inspirait à Richard, mais sans pour cela songer à partager sa fortune avec lui.